Et c'est parti pour une heure de bonnet rouge. Allez, on continue avec du punk. And oh, won't you go and the snow. On vient de s'écouter Decline avec le morceau If You Ever qui était sur leur album Broken Hymns for Beating Hearth. C'était précédé de Fire Next Time avec Aaron King issu de l'album Call Hands. Et on va continuer tout de suite avec DOA et le morceau The Man With No Name issu de leur album Welcome in Peace, suivi de deux morceaux des Machine Gun Dolly, Slave of Society et Working Tom issu de leur album Nuclear Generation. Allez, DOA, The Man With No Name. No. I'm dead. They tried to go in for the kill, but the crockers wound up in Boot Hill. The man with no name, he'd settle the score. He brought justice and vengeance for a few dollars more. The highway stripped was true in his aim. So make no mistake with the man with no name. The man with no name. $4, he gun him down. Many a man lay face down in the dirt. There was no regret, only pain and hurt. The man with no name, he settled the score. He bought justice and vengeance for a few dollars more. The highway drifter was true in his aim. Mustang with a man with no name. The man with no name. Abolish your God. C'était les Machine Gun Dolly dont on s'est écouté les morceaux Working Tom précédés de Slaves of Society, issu de leur album Nuclear Generation, et juste avant c'est DOA avec The Man with the No Name, et on continue tout de suite avec les Bad Religion et le morceau Nothing to Decimate, issu de leur album True North, album leur dernier en date si je ne m'abuse, et ce sera suivi de Boyd avec le morceau Spitfire, issu de leur album We Stalk Each Other Like Animals. Allez, Bad Religion. Bishop Cartier, the nation, I'll be doing fine. Knocked out with serotonin, strung out all pheromones, hung up on history, strung up by a decency. Cannot wait another day. You're a spitfire. Come on now. Annihilate. Annihilate. Annihilate. Annihilate. Annihilate. Annihilate. Annihilate. Et c'était Boyds avec le morceau Spitfire, issu de l'album We Stalk Each Other Like Animals. Et juste avant, c'était les Bad Religion avec un morceau issu de leur album Full North et intitulé Nothing to Decimate. Et on continue maintenant avec cette fois-ci un groupe québécois, les Ordures Ioniques, avec le morceau Noir Matin issu de leur dernier album Kick la Cacane. Allez, on kick la cacane tous ensemble. Wake up! C'est toujours la même groupe dans le bon saint matin au furieux. Plus le rêve est matériel, mon éveil est en essentiel. Quand mon terre percolateur doit s'élever, une si bonne heure. Mon très second entonnoir me nourrir ce centre noir. Mes paupières sont lourdes, mes oreilles sont sourdes. C'est mon armoire. Il m'a sorti de toi. Mes paupières sont lourdes, mes oreilles sont sourdes. C'est mon endroit, il fait mille jusqu'au soir. Mon héroïne à caloïne, mon peso tout tourné à vide. Cette boisson aux graines d'orifier permettre de bien fonctionner. Pour être vivant au bon moment et toujours aller de l'avant. Le plus tôt possible, un coup de main compréhensible. Mes paupières sont lourdes, mes oreilles sont sourdes. C'est mon armoire qui me sent du dortoir. Mes paupières sont lourdes, mes oreilles sont sourdes. C'est mon armoire qui fait mieux jusqu'au soir. C'est encore qu'ils en veulent et encore qu'ils en auront de partout dans les poches parce que leur bout s'appelle Python. 21e siècle, ils se bronzent à la monnaie. Regarde-nous et notre monnaie sur quelques semaines dans l'année. Travailler, le mot est simple et bien osé. Regarde-les, ne rien prendre, les meilleurs passe-temps de la journée. Ce qui est clair, c'est qu'ils s'épuisent jamais. Ce sale bourgeois vit de profit sans jamais rien céder. Avare et sourdinerie, pancrerie bien établie. Ces banques de riches vont délire dans l'esprit. Putain! Des gens meurent de faim, mais ils s'arment à la technologie pendant que se brisent des free chains. Ça pour la petite bourgeoisie, c'est blasant et puis c'est tout. Les moutons suivent les classes creusées, je vois qu'on touche le bout. Ces maladies, ça tire pas de bout. entre un là tu n'es pas pris, c'est comme la corde cou. Monsieur le Président, en total respect et GRT, j'ai presque pas les gros, mais ta tête j'aime bien la puncher. J'en ai marre de te voir muer des billets, c'est pas un truc pour toi alors prends un métier. Entre nous, comme c'est simple d'assumer un loyer, d'avoir un nombre de baraques tellement bien éparpillées. Sérieusement, ta joie, on va pas le nier, mais putain fais péter ta thune aux défavorisés. Et si je parle de toi, c'est un peu comme un berger. Dis-moi comment vont tes moutons, ils sont-ils bien apprivoisés. Je pars pour ceux dans les centimes vagabondes. J'ai des sous, mais mes billets sont plutôt jaunes et ronds. Donc, à cause de toi, j'ai peur d'être une retraitée. Je vais partir en vacances, mais pas à deux pieds de mon palier. Laisse-nous des thunes. À moi et mes patrons, t'en as trop. On voit, ça te grille même les neurones. Vas-y, laissez-moi passer, j'ai autre chose à dire. En outre, Nicolas, y'a tous ceux qui vivent comme lui. Hey. T'as de la thune, mais tu sais pas quoi en faire. Fais-moi un don, je vais monter une bête affaire. Attends, épousez-vous, j'ai dit, je vois que ça brille là derrière ça. C'est bon pour me donner l'inspire. Alors comme ça, ça trafique, autant que nous trafiquons. Je comprends pas, je veux des briefings avant de péter les plombs. J'suis à l'infernal de la haute bourgeoisie. Mais nous, c'est tout d'un coup, c'est tout pleurer, démenti. J'ai pas pitié pour les voleurs invétérés. Ce petit Richard là, c'est où elle qui t'a l'andale. Veulent des billets verts, viens faire tout le USA. Pour pas que ça vienne, viens faire moi ta place, j'serai déjà dans l'aide humanitaire. Maintenant arrête de me faire rager. Donne-moi ta thune avant que je tape pour de vrai. Et c'était Dommerman avec le morceau Americland, morceau issu de leur album 30 millions d'ennemis. Et juste avant, c'était Notre Étendard, la théorie du boxon sur leur album Pour un repas riche et pas cher. Et on va continuer tout de suite avec les shérifs. Où sont les WC? C'est le nom de la question qui est posée directement pour ce morceau-là. C'était issu de leur album Electrochoc et on suivra ce morceau par une pièce des Contingents Anonymes avec le morceau Avant la guerre, issu de leur album Ad Gloriam et Enfant du système des Brixton Cats. Pardon. Et voilà le prochain bloc dans les bonnets rouges. Allez, les shérifs. Avant la guerre, coup pour coup. Même s'ils cherchent à nous abattre, à nous mettre à genoux. Et face à leur folie, la mort ou la prison, nous resterons unis par détermination. Et c'était les Brixton Cats avec le morceau Enfant du Système, issu de leur album tout simplement intitulé Punk Rocker. Et juste avant, c'était avant la guerre des contingents anonymes et où sont les WC des shérifs. Hein, tu sais, on a tous connu ça dans mes soirées un petit peu trop avancées là. Enfin bon, on continue avec Scarmento et le morceau Punk Rock na Radio, issu de leur album Punk Rock Don Ramiro. Et ce sera suivi de Senza Frontiere avec Bolzaneto, issu de leur album Non Se Futuro Senza Memoria. Allez, c'est parti. Barbaro, tormento corporale, pericolo. compiacimento personale. Alzo sentimento umano che le vostre violenze non fermeranno più. Scomparsa dopo un giuramento a difesa del borghese politico potente, contro i servi dello Stato, contro la polizia italiana. Imputati, 30 assolti, solo 15 colpevoli. In Italia spaccare una vetrina delle cose più gravi che possa capitare. Torturare, massacrare, è reato da niente. Le cose sono tutto, le persone sono nulla. Questo emerge dai processi di Genova. Siamo stufi di questo stato canale, di questa legge. Et c'était Senza Frontières avec le morceau intitulé Bolzaneto, issu de leur album Nance Futuro Senza Memoria. Et juste avant, c'était Punk Rock Na Radio du groupe Scarmento, issu de leur album Punk Rock Don Ramiro. Tiens, on va passer un petit salut à notre ami Bobby Bloin s'il nous écoute en ce moment. Puis on va continuer pour finir cette émission des Bonnets Rouges et se retrouver la semaine prochaine avec Tagada Jones et le morceau Dernier Rendez-vous qui est issu de leur album Dissident. Et c'est un morceau avec Gizmo. Et comment dire de plus ? Que c'est pas le dernier morceau, parce qu'on aura un autre encore après. Kamasutra, de Lofofora, issu de leur dernier album, L'Épreuve du Contraire. Donc c'est un peu hardcore pour la fin. Allez, Tagada Jones suit Lofofora. Go. À la semaine prochaine. Et le monde continue de tourner. Et le monde continue de tourner. Ce matin je me réveille comme tous les matins. Jusqu'ici tout va bien. Mon café, quand le téléphone sonne, au bout du fil, une voix résonne. Les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes. Et le monde continue de tourner. Et le monde continue de tourner. Mon cœur s'emballe, mon corps tout entier. Tête aux pieds se met à trembler. Le temps s'arrête, je lâche le combiné. Je frissonne, mon sang se met à glacer. Je commence à réaliser.